les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Qui était Christian Bouche Villeneuve ? Né à Neuilly-sur-Seine un 29 juillet en 1921 et mort aussi un 29 juillet en 2012. Qui était-il, caché sous ses multiples pseudonymes, parmi lesquels s'est imposé celui de Chris Marker ? Pour Alain René, ça ne faisait aucun doute. Chris Marker me paraît un personnage fascinant, à ma connaissance unique au monde. Je ne connais personne qui puisse avoir à la fois ce sens des problèmes politiques contemporains, ce goût du beau, cette espèce de joie devant la culture et devant l'art, cet humour, et qui arrive, lorsqu'il fait un film, à ne se séparer d'aucune de ses tendances. La Jetée, bien sûr, Koubassi, Le fond de l'air est rouge, Sans soleil, et beaucoup d'autres choses encore. Sans César ni plateau de télévision, celui qui disait n'avoir jamais eu de préoccupations artistiques laisse pourtant une œuvre d'une incroyable richesse. Biographie farceuse, pas d'interview, très peu de photographies de son visage ou d'enregistrements de sa voix, autres que ceux des bandes-sons de ses films. Énigmatique voyageur, Chris Marker a été, de tout temps, de son temps, et de tout temps, de toutes les techniques de notre temps. Clandestin brouillant les pistes, il s'est éparpillé de la manière la plus poétique qui soit, dans des écrits, des photographies, des films, des vidéos, dessins et mondes virtuels. Chris Marker était partout de ce monde. En décembre 2012, pour Une vie, une œuvre, Virginie Bloch-Lenné rassemblait les morceaux du puzzle Marker. Chris Marker pendant mai 68. Il est dans le film même. Il y a un moment où il traverse la rue comme ça, comme s'il allait à un rendez-vous important. Il est, paraît-il, extrêmement bizarre. Hein. Très bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre. Il est bizarre avec vous ? Il vous parle un peu ? Écoutez, Chris était... je ne vais pas parler de Chris. Bon. Donc on dit, nous ne parlons pas de Chris Marker. Je ne parle pas de Chris Marker. Il ne veut pas que l'on parle de lui. Ah non, attendez, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, il a été très... William Klein au micro de Jean Dev. C'est grâce à lui que mon livre de New York a été publié, je crois. Enfin, peut-être j'aurais pu trouver un autre éditeur, mais c'est grâce à lui qu'il s'était publié au Seuil. Mais au fond, il interdit que ses amis parlent de lui, en somme. Non, c'est un peu comme Maurice Blanchot. Non, je sais pas, il interdit pas. Non, mais il propose l'interdiction. Non. Je l'ai pas vu depuis longtemps. On s'est perdu de vue. Arnaud Lambert, le goût du secret de Chris Marker, comment se traduisait-il ? Ça commence déjà avec le nom, parce que Chris Marker, c'est un pseudonyme. Le vrai nom de Chris Marker, c'est Christian Bouche Villeneuve. Donc, dès le départ, il y a un trouble sur l'identité. Et ça va continuer avec l'absence d'image et l'absence d'interview. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui disparaît de la scène médiatique, de la scène du visible. L'absence d'interview, ça commence très tôt. Il y a quelques interviews au tout début, notamment dans les lettres françaises, dans les années 50. Mais ensuite, il n'y a plus rien. Alors, après sa mort, là, récemment, il y a eu quelques images qui sont sorties, mais finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 images qu'on ne connaissait pas, qui ont réémergé sur le web. Mais voilà, donc pendant très très longtemps, on n'a pas connu son visage, hormis une photo au Rolleiflex, son visage planqué derrière un appareil photographique. Il y a aussi la photo dans Lettres de Sibérie, sur laquelle on le voit de profil entouré de femmes Sibérie. C'est des images de tournage. Souvent, c'est des attitudes plutôt que des visages vraiment très très identifiables. Édouard Vintraube, vous pouvez me décrire physiquement Chris Marker ? Je vais vous raconter d'abord une petite histoire. La première fois que j'ai failli le voir, je ne l'ai pas vu. J'allais interviewer Arthur Pédéchian, cinéaste soviétique arménien, à Paris, dans un café près de Beaubourg. Et on faisait une interview avec un copain. Et tout d'un coup, il nous dit « il faut que vous partiez ». Alors on lui dit « mais pourquoi ?» Parce que Chris Marker arrive et il ne veut pas voir de journaliste. Il était très en forme, très fin, pas de cheveux sur le crâne, très rigolard, aimant rire, et surtout aimant beaucoup manier le paradoxe. Par exemple, si on avait le tort de s'apitoyer sur le fait que La Jetée avait été adaptée avec Bruce Willis, il dit « Mais moi, j'adore Bruce Willis !» Bruno Muel, vous êtes caméraman. Vous vous souvenez de l'impression Ma première impression de Chris, il me faisait penser à un colonel de l'armée américaine perdu dans le désert. Enfin, pas perdu, crapahutant dans le désert. Il avait toujours des blue jeans trop courts. Et cependant, il paraissait d'une grande élégance. Il parlait doucement, presque inintelligiblement. J'ai fait beaucoup de trajets pour Besançon avec lui en voiture. À l'époque, j'avais une deux chevaux. Et déjà, on le comprenait difficilement quand il parlait habituellement, mais dans une deux chevaux, on le comprenait plus du tout. Et malgré ça, il perçait de temps en temps une idée forte, un trait d'humour assez fulgurant. Non, c'est un type qui avait des trouvailles de langage. Il écrit d'ailleurs très bien. Il était distant, ou il pouvait être chaleureux, oui. Il était chaleureux à sa manière, et distant à sa manière aussi. Je pense qu'avec certaines personnes, il devait pouvoir être parfaitement distant, oui. Moi, je l'ai toujours perçu comme plutôt chaleureux. Vous savez, Raymond Bellourd, d'où vient le pseudonyme Chris Marker ? Écoutez, j'en suis pas sûr, mais je pense que dans la mesure où au générique de Toute la mémoire du monde, le court-métrage d'Alain René, auquel il a comme souvent collaboré de loin, en étant là, donnant des conseils, enfin, il y a beaucoup de génériques de films où Marker apparaît comme ça, un peu en biais, disons. Parmi les collaborateurs, il y a Chris et Magic Marker, ce qui me paraît laisser penser que c'est tout simplement l'apparition de ces nouveaux stylos magiques qui sont apparus en France dans les années 50 et bien avant aux États-Unis, comme toujours, et qui a dû lui donner le... Il ne s'est d'ailleurs pas tout de suite appelé Chris Marker. Hein. Il y a dans les cahiers du cinéma, j'ai retrouvé l'autre jour un texte signé encore Christian Marker. Et ça, c'était fin des années 50. Mais sur Magic Marker, j'ai tendance à penser que ça vient de là. Et aussi que, effectivement, la consonance américaine ne devait pas lui déplaire, puisqu'il avait avec les États-Unis un lien très profond. Éric Marty, on sait peu de choses de la biographie de Chris Marker. Peu de choses de son enfance, de sa jeunesse, de son adolescence. On sait qu'il est né en 1921 à Neuilly, sous le nom de Christian-François Bouche-Villeneuve, dans une famille bourgeoise. Il a fait ses études au lycée Pasteur, où Sartre enseignait. Est-ce qu'on sait des choses sur ses parents ? Bon, ses parents appartiennent à la bourgeoisie française. À vrai dire, je crois que cette ignorance que l'on a par rapport à la biographie de Chris Marker est une ignorance qu'il a absolument construite, désirée, voulue, et que c'est aussi une conception de l'existence, une conception de la vie, une conception même de l'art, qui s'exprime dans cette multiplicité de pseudonymes. Et je crois que ce qui est beau chez Chris Marker, c'est précisément le caractère parfaitement contradictoire de sa personnalité, les antagonismes, la beauté de ses pôles tellement différents, jusqu'y compris, disons, quand il paraît le plus à découvert. La vie publique de Chris Marker, on a l'habitude de la faire commencer après sa participation à la Résistance, au moment où il commence à écrire pour Esprit, donc c'est après la guerre, mais... Vous, Éric Marty, dans un article que vous avez publié dans Le Monde peu de temps après la mort de Chris Marker, vous avez rappelé qu'il avait eu ce que vous appelez un moment pétainiste. Alors le terme moment pétainiste, en fait, est de la rédaction du Monde. Ce n'est pas moi qui employais ce terme. D'ailleurs, dans mon article, cette expression n'apparaît pas. Mais bon, je l'assume. Hein, après tout, j'ai signé l'article, que ce soit Le Monde ou moi-même, peu importe. Mais cette ombre de jeunesse de Chris Marker a son étrangeté, sa singularité, que je ne juge pas. Et en effet, Chris Marker fonde en 1941 une revue qui s'appelle La Revue Française, qui est une revue qui est délibérément du côté de la Révolution nationale. C'est une revue littéraire. C'est une revue de jeunes, surtout. Et lui, il a 20 ans. Voilà, il a 20 ans. Il la fonde avec Bernard Pingot. Et cette revue est dans une sorte d'esthétique et idéologie très compliquée. Ce n'est pas une participation de Chris Marker à la collaboration, du tout. Ni un antisémitisme. Du tout. Simplement, je pense qu'il y a toute une jeunesse qui est une jeunesse marquée par une forme de dandysme très fort, pour qui l'extrême droite, la position nationaliste, révolutionnaire, est une sorte de tropisme fascinant. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Maurice Clavel, Maurice Blanchot et tant d'autres, qui après vont prendre des positions très différentes, eh bien, ont été fascinés et attirés par ce tropisme qui pour nous aujourd'hui est incompréhensible. Régis Debray, Dans un article qui a été publié peu de temps après la mort de Chris Marker, Eric Marty dit que Chris Marker a eu un moment pétainiste. Est-ce que vous étiez au courant ? Non, ou très vaguement. Mais vous savez, un moment pétainiste, quand on a 20 ans, cela concerne beaucoup de monde de sa génération. Si vous voulez aller aux origines du monde, si vous voulez aller dans l'univers de la revue Esprit d'Emmanuel Mounier, vous trouverez beaucoup de gens qui sont passés par les chantiers de la jeunesse ou d'autres institutions de type maréchaliste. On ne peut pas reprocher à un garçon de 20 ans de commettre ce genre de faux pas, ou alors il faudrait revoir la biographie de tout le monde, Claude Roy, Beuve-Méry et beaucoup d'autres. Éric Marty, en 1949, Chris Marker publie un roman, Le cœur net, et en 1952, il écrit un essai sur Giraudoux. Chris Marker a été ébloui par Giraudoux. Pendant son adolescence, il le dit d'ailleurs dans son livre, hein, il parle beaucoup de ses 15 ans, de ses 17 ans, et de l'importance que Giraudoux a eu pour lui. Marker écrit un livre qui est une sorte d'éloge absolu de Giraudoux, où Giraudoux est désigné comme étant son maître. Un éloge qui va au-delà de la littérature parce que, justement, c'est un livre que je dirais anti-moderne, au sens précisément où il est d'abord tourné vers le passé. C'est-à-dire que Giraudoux, dans le livre sur Giraudoux, revient sans arrêt ce qu'il a été, lui, à 15 ans, quel éblouissement ça a été, ou à 20 ans. Et puis, c'est un livre qui n'est pas du tout intellectuel. C'est un livre très sensible, très personnel, très subjectif. Et cette subjectivité très intime, cette sensibilité très intérieure, elle est évidemment anti-moderne. En 57, c'est l'époque où Barthes a écrit Le réservoir de l'écriture, où Blanchot est dans cette espèce de discours sur la littérature très dur, très, très abstrait lui aussi. Et c'est un livre qui est complètement décalé. C'est un styliste, Chris Marker. Exactement. Parce que tous ses films ont une voix off, des commentaires, qui ont un style très classique, un beau style. Il y a un style Marker qui est évident, qui est un style où l'énergie, où la rapidité, où la puissance du regard est tellement présente. Et donc là, on peut dire qu'il y a un style markerien, mais il y a une écriture. Il y a une écriture, il y a une pensée politique, une pensée esthétique de la forme dans ses films, qui, à mon avis, fait qu'on ne peut pas, justement, identifier Marker et Giraudoux. Et je dirais que le livre de Marker sur Giraudoux, pour moi, c'est un livre en retard. C'est un livre que Marker écrit alors qu'il n'est déjà plus celui qui écrit ce livre, qu'il est déjà sans doute au-delà, qu'il est dans cet univers qui va être le sien bientôt. Raymond Bellour, lorsqu'il commence à voyager et à faire des films, Chris Marker voyage dans les pays communistes des années 50 et fait des films dans ces pays où est passée la Révolution. Donc il part d'abord en Chine et il tourne un court-métrage qui s'appelle Dimanche à Pékin. Oui. Il part en Sibérie. Il fait Lettre de Sibérie, qui est un film qui a beaucoup plu à André Bazin. Il fait avant un petit film qui s'appelle Olympia... Olympia 52. 52, voilà, qui est le film qui consacre aux Jeux Olympiques d'Helsinki. Mais c'est vrai qu'après, il a majoritairement, pendant plusieurs années... Enfin, il y a eu Dimanche à Pékin, il y a eu Lettre de Sibérie, mais immédiatement après Lettre de Sibérie, il y a Description d'un combat, qui n'est pas un film sur un pays communiste, puisque c'est un film... Il y a eu Koubassi. Un film sur Israël, Koubassi plus tard. Lettre de Sibérie, pourquoi ça a tant plu à André Bazin? Je crois que Bazin a eu l'intelligence de comprendre qu'il se passait quelque chose dans la façon de procéder de Marker, qui était pour lui tout à fait intuitive et naturelle, mais qui était un peu déconcertante par rapport à la façon dont on avait habituellement de faire des films documentaires. C'est-à-dire qu'en général, on fait un film documentaire, le réalisateur monte la bande image, et une fois la bande image terminée, monte un commentaire écrit sur la bande image. Et il disait que chez Marker, on avait l'impression que c'était monté fragment de film par fragment de film à partir du contrepoint immédiatement créé par un bout de texte et un bout d'image, ou de plusieurs images, enfin, je veux dire. Et que c'était ça qui créait quelque chose de totalement particulier, qui créait ce qu'il appelait l'essayisme de Marker, fondé sur une intelligence beaucoup plus rapide et beaucoup plus vive des rapports entre texte et image qu'à l'habitude, où c'était malgré tout toujours un peu plaqué. Et c'est vrai que dans les films de Marker, il y a une sorte d'aller-retour permanent du texte à l'image, qui est une chose extraordinairement unique, enfin je veux dire, de ce point de vue-là, et que Bazin, avec l'intelligence habituelle qu'il avait par rapport au film, avait tout de suite senti. Helsinki, nous sommes en retard au rendez-vous olympique. La Finlande nous l'avait fixé pour 1940, mais il n'y eut pas de jeu en 1940 comme il n'y en avait pas eu en 1916. Par une malheureuse coïncidence, lorsqu'il manque, ces années-là apparaît leur caricature. Les vertus sportives deviennent folles, et c'est la guerre. La guerre. Nous avons vu son visage en Allemagne par les fenêtres du train, en route pour cette Finlande où l'on trouve 60 000 lacs et pas une seule ruine. Les commentaires de Chris Marker, écrits par Chris Marker, ne sont pas lus par Chris Marker. Alors, quand on voit ces films, on s'attend à entendre sa voix et ce n'est pas sa voix. Qu'est-ce que leur style a de particulier ? Ils ont en commun d'être d'un assez haut niveau d'écriture, je dirais, assez poétique dans leur construction, dans leur évocation. Ils sont riches de beaucoup d'implicites, de jeux de mots, de choses à double sens, de citations non dites, etc. Ils sont donc en général, comme on l'a dit, construits dans une sorte de grande subtilité par rapport à la bande image. Ils sont assez différents de style aussi dans la diction. À Yakoutsk, où les maisons modernes gagnent petit à petit sur les vieux quartiers sombres, un autobus moins bondé que ceux de Paris aux heures d'affluence croise une Zim, excellente voiture que sa rareté fait réserver au service public. Avec courage et ténacité, et dans des conditions très dures, les ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un Yakout affligé de strabisme, s'appliquent à embellir leur ville qui en a besoin. Dans Lettres de Sibérie, Raymond Bellour, que dit Chris Marker de la Sibérie ? Il dit bien des choses, hein. Il dit bien des choses paradoxales. Il en trace certainement un portrait très idéalisé, puisque la chose dont il ne parle pas, c'est effectivement des camps soviétiques. Bon, c'est l'époque où il y avait encore un manque d'informations objectives et précises là-dessus, mais à mon avis, c'est aussi quelque chose sur laquelle les gens qui comme lui, voyageaient beaucoup, avaient certainement des informations qu'il n'a pas voulu dire, je suppose. Sinon, il raconte beaucoup de choses de la Sibérie, je veux dire des choses extrêmement variées. Choses vues par un touriste. Oui, exactement, choses vues par un touriste. Enfin, le mot de choses vues, d'ailleurs, si on relit l'extraordinaire recueil de Victor Hugo, qui s'appelle Choses vues, précisément, qui est une collection d'impressions où Victor Hugo passe en relief des trucs qu'il voit en voyageant, en prenant la calèche, puis le train, etc., etc. De la même façon, quand il fera Cuba, il idéalisera a priori la révolution cubaine. Et Castro. Qu'il rencontre. En passant sous silence, ce qui pouvait quand même déjà apparaître comme un problème dans le sort fait aux opposants, etc., etc. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a plus voulu, à partir d'un moment, qu'on montre ses films dans les rétrospectives qu'il en a faites. Avant, c'est-à-dire sous Batista et son entourage de gangsters autochtones ou importés. Ce temps où le jeune avocat Castro sort de prison après avoir, dans une retentissante plaidoirie, fixé à la révolution future ses buts et son esprit. Mais qui est Castro ? Entre le rebelle sans cause et le chef de partisans, entre le fils de grand propriétaire élève des jésuites et le fondateur de la première république socialiste d'Amérique, comment s'est opérée la métamorphose ? Tout le monde a sa petite idée sur Castro. Tout le monde l'étiquette et l'explique. Mais puisque tout le monde est capable de répondre à sa place, peut-être lui-même. Bueno, yo creo que c'est una pregunta difficile de contestar. Arnaud Lambert, en 1961, Chris Marker réalise Cuba Si, qui est censuré. Ça clôt une période, ça, cette histoire de Cuba Si, parce que c'était tous les films qu'on appelait des essais filmés de la première période, où donc ils se rendent dans des pays, en général des pays qui ont connu un événement politique lié à la gauche. Donc il va faire un film en Sibérie, il va faire un film en Chine, il va faire un film en Israël, il fait un film à Cuba. Et donc c'est des essais filmés avec une connotation politique, en tout cas une curiosité pour des pays qui virent à gauche. Alors c'est des vrais essais, c'est-à-dire qu'il y a une vraie déclaration de sujet au départ, et puis ensuite une culture et un imaginaire qui vient restructurer le film, qui a presque plus rien à voir avec la politique, et presque pas grand-chose à voir avec les réalités qu'il filme, en fait. C'est vraiment une reconstruction autour d'une subjectivité qui est la sienne, avec une culture très très vaste, etc. Et Cuba Si clôt cette période-là. Mais la renommée de Marker, je pense qu'elle est encore beaucoup plus importante l'année d'après, en 62, parce que c'est l'année où il réalise La Jetée, et Le Joli Mai. En 1957, François Giroux trouve l'expression Nouvelle Vague, avec Truffaut, Godard, Chabrol. Et Chris Marker, c'est une autre galaxie. Oui. C'est un autre cercle amical et un autre cinéma. Absolument. Il faisait partie de ce qu'on appelait un peu de façon informelle le groupe Rive Gauche, avec donc Alain René, avec qui il a travaillé, Agnès Varda, avec qui il a un peu travaillé aussi, Armand Gatti. C'est deux sensibilités quand même très différentes, l'une construite sur la cinéphilie, celle de la Nouvelle Vague, de gens plutôt de droite à l'origine, enfin aussi bien familialement que psychologiquement, au niveau des valeurs, enfin des valeurs générales, alors que ce qu'on appelait le groupe Rive Gauche était vraiment au contraire des gens de gauche, humanistes, avec toutes les valeurs et toutes les ambiguïtés que ça pouvait avoir par rapport au Parti communiste, mais qui se reconnaissaient malgré tout, et d'autre part qui se reconnaissaient dans un type de rapport particulier à une conscience documentaire du monde, ce qui n'était pas du tout le cas des gens des cahiers du cinéma, pour qui immédiatement la seule chose qui était à mettre en jeu, c'était la fiction. On ne s'imagine plus aujourd'hui comment, à cette époque-là, comment À bout de souffle, qui est un chef-d'œuvre qui a changé beaucoup de choses dans la vie du cinéma, était par ailleurs considéré par des gens, comme beaucoup de gens, y compris par moi, comme un film de droite, d'un anarchisme de droite, précisément. Et je pense que là, il y avait un vrai clivage, et Marker d'ailleurs a collaboré au Cahier du cinéma tant que c'était Bazin qui en était vraiment le cœur et le centre. Et à partir du moment où la revue a été prise par ce qu'on appelait les jeunes turcs, c'est-à-dire les gens de la Nouvelle Vague, enfin Truffaut, Godard, Chabrol, etc., il n'y a plus de Marker. Ça ne l'a pas empêché au fil des années de maintenir un lien important avec Godard par la suite, puis qu'ils ont collaboré au Loin du Vietnam ensemble, mais Godard avait bougé aussi, beaucoup, beaucoup, hein. C'est une belle saloperie, cette guerre. C'est pas seulement le pape qui le dit, c'est des gros psésitrones. Ils savent, ils voient, les bombes font de vrais morts, les balles font de vrais trous. Pauvres petits orphelins égarés dans un monde qui les dépasse. Et puis quoi, la pitié, la peur. Mais ça se passe dans un meuble. Pas au Vietnam, pas dans la tête, pas dans la rue, dans un meuble. On ne peut pas avoir peur d'un meuble. On a la guerre au Vietnam dans son salon comme grand-père avait la charge de réchauffer l'information. Tu sais à quoi elle amène, ce genre d'information? Encore le Vietnam. Régis Debré, dans quelles circonstances vous avez rencontré Chris Marker? Mais moi, je ne sais pas. Pourquoi voulez-vous que je sache? Les circonstances, c'est dans les années 60. Sans doute à travers Jean Rouch et Chronique d'un été, puisque c'était deux amis, assurément en tout cas par le biais de Joris Ivens, qui avait travaillé à Cuba en même temps que Chris Marker. Donc j'ai dû connaître Chris vers 1963 ou 64. Vous aviez vu Cuba si? Bien sûr. En fait, c'est Cuba qui nous a réunis, c'est vrai, par le biais d'amis E et d'amis sans E cubaines, voilà. Lorsque sort Le Fond de l'air est rouge en 1977, on peut lire un texte de vous dans lequel vous dites que Chris Marker s'est allié la mémoire et la fidélité. Et vous dites que c'est le film d'une génération, mais c'est le film de votre génération. Non, écoutez, je crois que l'apport de Chris Marker n'est pas d'ordre politique. Il ne faut pas tout réduire à ce petit dénominateur commun. L'apport de Chris Marker, c'est d'avoir fait un pont entre la littérature et le cinéma, pour aller vite, entre Giraudoux et Godard, si vous voulez. Il a intronisé l'image comme élément constitutif de l'œuvre littéraire à travers la collection qu'il a dirigée au Seuil. Et il a lui-même, dans ses premiers documentaires, fait du commentaire non seulement un joyau littéraire, mais quelque chose qui était incorporé à l'image elle-même. Donc, je vois Chris Marker, qui a été notre fantomas, en fait, pendant une trentaine d'années, je le vois faisant le pont entre deux univers, pont qui est aujourd'hui détruit. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. En 1962, Chris Marker réalise La Jetée. C'est un film qui est fait à partir de photographies. Il y a une voix off, un commentaire. Ces photographies, elles viennent d'où ? Alors, les photographies ont été faites par Marker, puisque Marker a toujours été photographe, parce qu'il traitait l'image fixe comme une image mouvante, il introduisait un doute sur le mouvement par définition, etc., etc. Et c'est un film absolument magnifique et très, très unique, parce que il obéit en plus à un principe dont Marker a trouvé un peu l'origine à l'intérieur du film de Hitchcock, Vertigo. C'est un film dont, quand vous arrivez à la fin de La Jetée et qu'on comprend que ce qu'avait vu l'enfant, c'est l'image de sa propre mort, on n'a qu'un besoin, c'est de repartir au début du film pour voir comment ça se construisait au début du film. Et il y a comme ça, dans La Jetée, une espèce de circularité, ou comme dans Vertigo, on a besoin de revoir la première partie du film pour comprendre ce qui arrive dans la seconde à proportion de la surimpression entre les deux caractères féminins, qui sont la même. Et c'est un film qui a introduit une autre idée du temps, d'une certaine façon, à l'intérieur du cinéma. La bande-son de La Jetée, elle est effrayante. Il y a des bruits de bombardement. Il y a des bruits de bombardement. Quand il n'y a pas la voix, les bruits sont effrayants. Ce qui est le plus effrayant, c'est sans doute les... dire dialogue, ça serait beaucoup dire, mais les voix qui chuchotent continuellement au chevet du sujet expérimenté et qui sont en allemand, je veux dire, ce qui crée le lien direct avec la Seconde Guerre mondiale, avec les camps, etc., etc. La Jetée, Édouard Vintrop, c'est un film que vous aimez ? Alors, La Jetée, je l'ai vu comme adolescent au ciné-club de mon lycée. Ça a fait partie de mon éducation cinématographique, comme Les Cousins de Chabrol ou comme, évidemment, Le Cuirassé Potemkin. C'est un film qui était saisissant pour un môme qui avait vu que des films américains quasiment auparavant. Parce que c'était fait avec des photos, enfin des plans fixes. Parce que c'était de la science-fiction qui arrivait, non pas avec une débauche de moyens, mais au contraire avec une épure totale, une absence voulue, volontaire de moyens. Et qu'en plus, l'histoire, puisque c'est une histoire, c'est cyclique, c'est complètement fascinant pour quelqu'un qui a été éduqué dans une vision, on pourrait dire, linéaire de l'histoire. Tout d'un coup, on revient, et alors ça fait... Voilà, c'est quand la science-fiction fait rêver et qu'ensuite on peut se poser des tonnes de questions morales. Une fois sur la grande jetée d'Orly, dans ce chaud dimanche d'avant-guerre où il allait pouvoir demeurer, il pensa avec un peu de vertige que l'enfant qu'il avait été devait se trouver là aussi à regarder les avions. Mais il chercha d'abord le visage d'une femme au bout de la jetée. Il courut vers elle. Et lorsqu'il reconnut l'homme qu'il avait suivi depuis le camp souterrain, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant et qui n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort. À partir de 1967, Chris Marker initie plusieurs films et actions collectives. D'abord Loin du Vietnam, un film contre la guerre au Vietnam qui réunit Agnès Varda, Alain René, Claude Lelouch, Yoris Ivens et William Klein. Puis les groupes Medvedkin, qui mettent en commun le savoir-faire et les forces de réalisateurs, techniciens du cinéma et ouvriers pour produire des films militants. Alors Bruno Muel, vous pouvez expliquer ce que c'était les groupes Medvedkin ? Qui était Alexandre Medvedkin ? Qui était Alexandre Medvedkin ? Dans les années 30, c'est lui qui avait créé le Ciné-Train, qui parcourait les villes et les campagnes en Russie. Et qui pouvait tout faire en cinéma, c'est-à-dire filmer, développer, monter et projeter. Et donc, qui filmait des gens sur leur lieu de travail, dans les fermes, et il leur projetait à eux-mêmes ce qu'ils avaient filmé quelques jours avant. En fait, ça s'est traduit plus par un mélange des genres, c'est-à-dire que des techniciens de cinéma ou des cinéastes confirmés ont travaillé en collaboration avec des ouvriers pour arriver à un travail de représentation de leurs conditions, de leurs désirs et de leur volonté de savoir et d'apprendre et de connaître. Donc cette idée a plu à Chris qui, quand il a été contacté par les gens de la Rodiaceta de Besançon, et ce qui se passait, c'était une grève à l'usine Rodiaceta une des grosses grèves d'avant 68, qui annonçait une révolte à venir. Et donc Chris, qui était en train de monter loin du Vietnam, a dit « on ne peut pas laisser passer ça » et il est descendu à Besançon. C'est là que moi, il m'a demandé de descendre un jour pour aller filmer une grande manifestation à Besançon. Mais alors, les ouvriers, comment obtenaient-ils des caméras? Comment apprenaient-ils à filmer? Comment apprenaient-ils à monter? Ça, c'était notre travail, de leur montrer comment on filme. Et Chris Marker, il leur a montré aussi? Oui, aussi, oui. Bien sûr, bien sûr. Et c'était un travail collectif de notre part et collectif entre... Nous apprenions des choses. Les ouvriers nous apprenaient des choses et nous apprenions des choses aux ouvriers. Ils nous appelaient les Parisiens. Et après, ça a continué à Sochaux, où on a suivi un des ouvriers de la Rodia qui est parti à Sochaux. Et on a continué un autre groupe, le groupe Medvedkin de Sochaux. Et je pense que c'était quelque chose d'extrêmement enrichissant. Et qui, quand même, l'idée principale, c'était cet appel, cette demande de culture chez des ouvriers militants qui sentaient justement comment ils butaient sur les mots, le langage, et qu'ils avaient envie de trouver leur propre langage. C'est là que ce cinéma avait un intérêt, c'était le fait qu'il soit collectif et qu'il puisse inventer un langage qui leur corresponde et qui leur plaise. Troisième top, 13h, LIP, c'est l'heure. Une luxueuse brochure, éditée en 1964 par la municipalité et payée par les banquiers, nous dit avec humour que le travail féminin, qui représente 32% de la population active, fournit à de nombreux ménages un salaire d'appoint appréciable. Ce qui, sans humour, se traduit ainsi: le travail de précision exigeant d'une main-d'œuvre habile et docile, les patrons horlogers font appel aux petites mains. Mais de plus en plus, les petites mains portent de grandes banderoles. Bruno Muel, le collectif Slon, qui a été créé en 1967, il existe toujours, qui ensuite est devenu Iskra. Oui, c'est ça, Slon. Slon. Slon, qui veut dire éléphant en russe. Mmh. Parce que Chris aimait beaucoup des noms qui avaient... Iskra, qui a pris la suite, veut dire étincelle. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement, si vous voulez, un groupe créé avant mai 68, continue d'exister, de produire, de faire un travail qui... Et surtout, continue à garder des archives de toute cette période. En fait, le travail qu'on a fait, c'est une page d'histoire. Et donc Iskra continue maintenant à faire des films, par exemple des films sur les prisons. C'est un travail de contre-offensive, on peut dire, qui va tout à fait dans le sens de ce qu'on a fait au moment des groupes Medvedkin. Il y a un signe qui est hyper intéressant. Quand Protman fait 68 pour France 2, je crois, il y a 4-5 ans. Justement, le film qui est censé sortir de mai 68 français et dire combien ça a été une histoire mondiale, où est-ce qu'il va chercher ses archives? Il va aller chercher chez Slon, chez Iskra, etc. C'est-à-dire que, honnêtement, vous voyez ce film, moi je connaissais ces images pour les avoir vues dans les films de Marker, etc. Il y a, je ne sais pas, un tiers ou deux tiers des images qui viennent de Slon, Iskra. C'est-à-dire un groupe composé d'une dizaine de personnes maximum, mais qui a eu le nez assez fin pour toujours savoir là où se joue l'histoire. Et donc, ils ont constitué une base d'images hyper impressionnante, et puis surtout actuelle. Donc il y avait du sens en termes historiques, ce qui fait que quand même un journaliste télé, 40 ans plus tard, cherche des sources, il ne va pas chercher dans les banques de données de la télévision. Il n'y a rien à voir dans les banques de données de la télévision. Ce n'est pas la télévision qui écrit l'histoire. Il va chercher dans les caves de Iskra, je vous dis, c'est 10 personnes. Mais en tout cas, une des qualités de Chris Marker, c'est d'avoir le nez creux, c'est-à-dire d'aller là où ça joue. Et d'en faire des images. Les essais filmés des années 60, c'était ça. C'est-à-dire, c'est où est-ce que ça joue l'histoire en ce moment-là. C'est pas là où on nous dit d'aller, c'est où est-ce que c'est important d'aller. Et c'est une conscience très particulière du temps qui fait qu'on sait où ça se passe. Donc en 1970, Chris Marker tourne à Cuba un film sur ce qu'on appelait la Grande Zafra. Ça devait permettre une récolte de canne à sucre qui devait permettre le décollage économique de Cuba. C'était l'application en fait de doctrine soviétique. Ce que montre le film, c'est la difficulté et puis le soutien de Moscou. Donc c'est un film qui est à la fois pro-cubain et pro-soviétique. tout ça en 1970, l'année où Costa Gavras, dont l'univers a captivé Chris Marker, tourne l'aveu et sur le tournage duquel lui-même va faire un film. Et où on se pose la question de est-ce qu'on a raison de faire des films anti-soviétiques ou plutôt des films qui dénoncent le stalinisme ? Est-ce que ça ne donne pas des armes à l'ennemi de classe ? Voilà. Et il répond en fait oui, on a raison. Donc il commence déjà à faire le grand écart. Et c'est le grand écart que beaucoup de gens ont fait pour certains dans les années 50, continuent de faire dans les années 60 et font encore à ce moment-là. Pas oublier que son grand ami aussi de cette époque-là, c'est Yves Montand et Simone Signoret, et que c'est deux compagnons de route du Parti communiste qui vont quitter dans les années 60 cette orbite et devenir farouchement opposés au PC. À côté du cercueil d'un certain Léon Nico, mort à 82 ans, mort comme tous les vrais communistes, dans le dénuement le plus total. Sa famille, c'est le parti. Sa vie, ça a été le parti. Il l'a fondé et tenu à bout de bras et à bras le corps pendant plus de 20 ans. En 1977, Chris Marker réalise Le Fond de l'air est rouge, qui revient sur 10 ans de lutte révolutionnaire. C'est un film qui est construit en deux parties, qui initialement durait 4 heures. Alors comment elles sont séparées, ces deux parties ? Alors, c'est les mains fragiles et les mains coupées. Et donc c'est une histoire du gauchisme des années 60. Disons de ce qu'on appelle la nouvelle gauche, c'est-à-dire la gauche qui est en marge du Parti communiste. Et donc il fait l'histoire de cette gauche alternative, avec un point de vue qui est assez bizarre, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a eu Cuba, il y a eu tout ça, on commence en 67 les engagements contre le Vietnam, etc., mais déjà tout est fini. C'est-à-dire que les pouvoirs ont déjà, savent déjà comment canaliser, disons, ces mouvements de gauche. Ils ont perdu Cuba, mais ça leur arrivera pas une deuxième fois. Donc les contre-pouvoirs dès 67 savent comment faire. Et donc il raconte cette histoire-là, mais avec ce point de vue très particulier qui est plus un point de vue d'historien, de dire c'était fini dès le départ. Mais avec une forme d'optimisme, en tout cas de progressisme un peu viscéral chez lui, qui est de dire de toute façon la lutte c'est pas tant ce que ça produit que ce que ça construit chez les hommes. Donc c'est comment on a traversé ces périodes-là, comment on s'est ouvert l'esprit, comment on a découvert le monde, comment on est sorti des causes nationales pour découvrir des choses qui étaient à l'échelle mondiale, etc. Donc c'est un film d'une ambition assez folle, une leçon d'histoire. Avignon, juillet. Le mouvement a enfin trouvé son ennemi principal, Jean Villard. Et par la même occasion, le slogan le plus stupide d'une époque pourtant compétitive, Béjart, Villard, Salazar. Je me souviens de la solitude de Villard. Je me suis demandé où étaient à ce moment-là tous ceux qui l'avaient aidé, dont il avait monté les pièces, pour qui il s'était battu. Bien sûr, c'était le reflux, le moment des amertumes et des folies, dont certains ne sortiraient jamais. C'était quand même une curieuse fidélité à l'esprit de mai que d'en désespérer si vite et de se venger à l'aveuglette des ruettes de l'histoire. Mais de toute façon, l'histoire ne s'écrivait pas en Avignon, l'été 68. Elle s'écrivait à Prague. Et c'est pas seulement un film qui dit que les pouvoirs ont su écraser les luttes révolutionnaires, c'est aussi un film qui est critique. Il fait dire par Simone Signoret, en 68, de toute façon, c'est pas à Paris que ça se passait, c'est à Prague. Ils ont été conscients de ça tout de suite, hein, c'est-à-dire que quand ils font les collectifs engagés là, vers 68, la contre-information, elle n'est pas contre le régime gaulliste, hein, c'est vraiment une contre-information qui se joue dans le tiers-monde, etc. Donc il y a des équipes, des images qui reviennent de la planète entière, et l'idée c'est justement de fédérer la lutte à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'on va montrer ces films de la lutte au Brésil, etc., ou en Afrique, aux ouvriers en France, et que l'idée c'est le même combat, c'est-à-dire que c'était le principe de base de Loin du Vietnam, c'est-à-dire créons des Vietnam partout, c'est-à-dire créons un Vietnam en France, créons un Vietnam en Italie, etc. Donc on essaie dès le départ de penser la lutte à échelle mondiale, chacun dans son domaine, agissons, mobilisons-nous, et puis ça aura des effets plus tard. Vous avez rêvé, la Chine. C'est sans doute votre fonction d'être les ratons laveurs de la révolution, de la faire apparaître toujours immaculée, c'est-à-dire explicable. Comme tout le reste s'était accompli sans vous, vous trouviez là votre utilité. Expliquer. Tout expliquer. Dans Le fond de l'air est rouge, le film qui revient sur une décennie de lutte révolutionnaire, donc 1967-1977, Marker s'adresse au Mao par une lettre qui s'appelle La lettre aux camarades, qui est lue par Simone Signoret. Je dirais que la position de Marker, au fond, c'est une position par rapport à l'histoire et par rapport aux événements, qui est une position qui n'est pas seulement politique, ou qui refuse ce que peut avoir de schématique la position du militant. Le fond de l'air est rouge, et rien que dans ce titre, Le fond de l'air, c'est un très très magnifique titre, que beaucoup, je crois, voudraient voler à Chris Marker pour en faire leur propre titre, tellement il est beau, tellement il est juste. Ce terme de fond de l'air est rouge renvoie justement peut-être à quelque chose qui est par-delà le politique, qui renvoie à l'esprit, au fond de l'air, au souffle, et me semble-t-il qui est généreux. Je crois qu'il ne faut surtout pas réduire Chris Marker à ce qu'il était politiquement. Beaucoup d'admirateurs de Chris Marker l'admirent parce qu'ils ont fait une sorte de fétiche politique. Pour moi, c'est vraiment méconnaître profondément le caractère multiple, complexe, profond de Chris Marker, qui est bien sûr au-delà du politique, qui en tant que tel est toujours très univoque, qui prend toujours le risque de la bêtise. Ce risque de la bêtise, justement, Marker a réussi à le parer et à le dépasser. Claude Lanzmann, vous avez rencontré Chris Marker en 1958. Ah, oui. Vous avez rencontré Chris Marker en 1958. Oui. Et dans Le Lièvre de Patagonie, vous racontez que vous le rencontrez à l'occasion d'un voyage en Corée du Nord et qu'au début, c'est plus de l'hostilité que vous avez pour lui. Oui. Parce qu'il a ce physique, cette mâchoire fermée. Il ne parle pas beaucoup. Il avait la mâchoire prognate. Il parlait tout le temps entre ses dents. Puis j'en sais rien, moi, je ne le connaissais pas du tout. J'avais vu un ou deux films de lui. On n'était vraiment pas fait pour fonctionner ensemble. Bon, mais il avait déjà été en Chine l'année précédente, je crois, avec Armand Gatti. Et c'est là où je l'ai connu pour la première fois. On nous a emmenés à l'hôtel de Pyongyang. Et Chris a entrepris de tapisser tous les murs de sa propre chambre et le plafond également de comics américains. Bon, c'était son goût et c'était très surprenant quand même. Et oui, alors on nous avait dit également d'emmener des cadeaux. Donc, et chaque fois que nous visitions une usine, il fallait procéder à l'échange de cadeaux. Et nous, on donnait nos minables cartes postales. Et Chris Marker donnait son giroudou par lui-même, en français, qui était totalement incompréhensible pour n'importe quel Coréen, mais enfin, il donnait ça. C'était très marrant, très surprenant à observer les comics, c'était un drôle de type. Et d'ailleurs, quand il était en Chine, c'est bon, nous, on avait des adresses effroyablement longues et compliquées au bon soin de... Lui, pas du tout. C'était Chris Marker, Pékin. Et ça arrivait, toujours. Il avait le sens de la gloire. Et bon, il m'agaçait beaucoup, il m'agaçait de plus en plus. Il me le rendait bien parce que je ne me cachais pas. Et nous nous sommes retrouvés dans le train Pyongyang-Mukden en Mandchourie. Côte à côte, donc c'était difficile de s'ignorer complètement, mais on se parlait guère. Et nous arrivons à Chenyang, Mukden, et Chris informe toutes les autorités de la ville, du parti, etc., qu'il a fait un film l'année précédente et qu'il souhaite le leur montrer. Il avait fait un film qui s'appelle « Dimanche à Pékin », qui était un film sur ce que les Chinois d'alors détestaient le plus au monde, à savoir la Chine du passé. Il montrait l'opéra de Pékin, il montrait des monuments que les Chinois n'avaient qu'une seule idée en tête, à savoir les détruire. Bon. La ville chinoise, c'est-à-dire le faubourg qui avait relativement échappé à l'ordre géométrique des conquérants mongols. Avec ses banderoles, ses enseignes, toute une publicité à rebours qui nous attire d'autant plus que nous ne la comprenons pas, c'est vraiment la Chine comme au cinéma. On s'attend à voir Humphrey Bogart en costume blanc sortir d'une fumerie d'opium. Mais il n'y a plus de fumerie d'opium. Et les amateurs de pittoresque peuvent toujours se rabattre sur les fragments de la vieille Chine que le dégel charrie encore. Et bien sûr, il y a là de quoi nourrir toutes les nostalgies. Et il avait un peu d'angoisse quand même. La projection a commencé. Silence de mort, pas une réaction, mais rien. Pas un sourire, pas un rire, pas une protestation. Et ça s'est terminé, tout le monde s'est levé, ils ont foutu le camp sans dire un mot. Il était quand même touché, là, j'ai commencé à avoir de l'amitié pour lui. Et il projetait de recommencer la même chose à Pékin, mais dans une salle beaucoup, beaucoup plus vaste, là. Et je lui ai dit, Chris, je n'ai pas de conseil à te donner. Chris, à ta place, si tu veux vraiment faire ce film, je m'abstiendrai, je ne le montrerai pas. Il n'a pas voulu m'entendre, il n'a rien voulu savoir. Et nous sommes partis pour Pékin et il a présenté son film. Et ça a été exactement la même chose, mais avec une exponentialité effrayante. Donc il était très embêté, désespéré un peu. Moi, je n'étais pas fou de ses films. Je trouvais qu'on parlait trop dans ses films, qu'il faisait des jeux de mots, des plaisanteries. Ce n'était pas exactement ce que j'aimais, mais je ne dis pas qu'il était sans talent, il en avait beaucoup. Mais à l'époque, je ne connaissais pas son talent. En tout cas, je n'avais pas essayé de comprendre. Et puis, nous sommes devenus amis, vraiment amis, de la façon suivante. On s'est retrouvés tous les deux un jour au fond d'une grosse Zim russe, mais fabriquée en Chine, revenant d'une visite à la Grande Muraille. On était tous les deux au fond de cette voiture, sans dire un mot, rien. Puis c'était le crépuscule, on était fatigués. Et soudain, j'entends la voix, les dents serrées de Chris, disant « Moi, j'adore la complicité. » Et là, il a arraché mon cœur. Je lui ai pris la main, et nous sommes devenus amis. Et puis voilà, je ne le connais pas plus, je ne l'ai pas vu. Vous avez et vu. Il est mort et ça m'a attristé. Et une fois que la glace était brisée, il parlait avec plus de chaleur. Oui, je l'ai rencontré deux ou trois fois, il était très, très amical, et moi aussi. Mais enfin, c'est resté inscrit en moi. Parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie, il ne voulait pas qu'on voie sa photo, qu'on voie son visage, qu'on entende sa voix. Il ne voulait pas apparaître. Non. Ouais, disons que c'était un excès absolu d'orgueil. Non, mais c'était vraiment un type très bien. C'était pas un con, enfin, en aucun cas. Et il a fait des films très bons. J'ai vu très peu de films de lui. Non, je suis pas du tout un expert en Chris Marqueris. J'ai vu naître tous ces jeux au Japon. Je les ai retrouvés ensuite dans le monde entier, à une variante près. Au départ, c'est un jeu connu, une espèce de batterie anti-écolo, où il s'agit d'assommer, dès qu'elle pointe la tête, des créatures dont je n'ai pas encore déterminé si ce sont des myocastors ou des bébés phoques. Hayao Yamaneko invente des jeux vidéo avec sa machine. Pour me faire plaisir, il y laisse entrer mes animaux familiers, le chat et la chouette. Pour le moment, l'indépassable philosophie de notre temps est contenue dans le Pac-Man. Je ne savais pas, en lui sacrifiant toutes mes pièces de 100 yens, qu'il allait conquérir le monde. Peut-être parce qu'il est la plus parfaite métaphore graphique de la condition humaine. En 1982, lorsqu'il réalise Sans soleil, Chris Marker montre le jeu du Pac-Man. Donc il le filme et il dit que le Pac-Man, c'est la métaphore de l'humanité, parce qu'ils se croquent les uns les autres. Et puis, il filme aussi un jeu vidéo et il dit, ben voilà, ça va bientôt arriver chez nous, parce qu'il filme ça au Japon. Est-ce que vous pensez qu'il fait avec et qu'il trouve ça effrayant? Ou est-ce que vous pensez que ça l'amuse et qu'il trouve ça formidable? Voilà. Vous allez faire du Chris Marker, vous allez lire une voix féminine. Il prétend que la matière électronique est la seule qui puisse traiter le sentiment, la mémoire et l'imagination. Les jeux vidéo sont la première phase du plan d'assistance des machines à l'espèce humaine, le seul plan qui offre un avenir à l'intelligence. Les légendes naissent du besoin de déchiffrer l'indéchiffrable. Les mémoires doivent se contenter de leur délire, de leur dérive. La folie protège comme la fièvre. Jean vit à Io et sa zone. Il joue avec les signes de sa mémoire. Il les épingle et les décore comme des insectes qui se seraient envolés du temps et qu'il pourrait contempler d'un point situé à l'extérieur du temps. La seule éternité qui nous reste. Je regarde ces machines, je pense à un monde où chaque mémoire pourrait créer sa propre légende. Voilà. Il n'a pas un rapport du tout agressif avec les machines. Chris Marker, c'est un homme qui a eu la chance de voir arriver ce qu'il a toujours attendu. Disons les réseaux, les médias, les ordinateurs, sous des aspects un peu triviaux comme ça, techniques. C'est un fantasme qu'il a toujours eu, mais qui traverse toute l'œuvre, c'est-à-dire l'idée que la composition des légendes va remodeler la vie. On n'est pas autre chose que sa mémoire, la façon dont on se perçoit, la façon dont on se raconte nous-mêmes, etc. Donc par exemple, le film de René sur la Bibliothèque nationale qui s'appelle « Toute la mémoire du monde ». Il y a une déclaration finale dont on dit qu'elle a été écrite par Chris Marker. Il y aura un moment merveilleux où tous ces gens qui travaillent chacun sur leur bout de mémoire à la BNF, à la Bibliothèque nationale, pourront mettre ça tous ensemble et on aura le bonheur. Donc dès le départ, il y a la question de comment on mutualise nos mémoires, nos vécus, nos expériences, notre poésie, etc. Et donc quand il voit arriver les jeux vidéo, quand il voit arriver les ordinateurs, lui, il reconnaît quelque chose qu'il a toujours fantasmé. Il était à Berkeley, etc., donc il était assez bien placé pour savoir que c'était un truc qui était simplement en train d'émerger et qui allait connaître des suites incroyables. Donc, mais en fait, lui, il reconnaît ces choses-là, il y voit tout de suite le potentiel de libération, de traitement des images, de... Ah, le réseau. C'était la contribution de Vladimir Efimovitch Dostoïevski, le génie de la bande. Le réseau des réseaux, qui permettait de se brancher gratuitement sur n'importe quelle banque de données de la planète. Au temps préhistorique de Minitel, on utilisait des pseudos. Ici, on pouvait emprunter des masques virtuels. Laura passait beaucoup de temps sur le réseau, à la recherche de témoins et d'informateurs sur Okinawa, bien sûr. Mais comme sur tous les réseaux, on y faisait toutes sortes de rencontres. Il paraît même que les initiés arrivaient à se connecter sur le système nerveux de leurs correspondants. Enfin, c'est ce qu'on dit. Les travaux de Chris Marker dans les 30 dernières années de sa vie, ses installations, les jeux vidéo, ce qu'il faisait sur Second Life, vous les connaissez ? Vous les avez vus ? Oui, bien sûr, puisque c'était une sorte de bonze numérique qui alliait un retrait de type bouddhiste zen à une connaissance très pointue des dernières technologies. Au fond, Chris était à la fois un traditionaliste et un moderniste. Lui que personne ne voyait, il voyait tout le monde. Lui que personne n'entendait, il entendait tout ce qui se passait. Moi, je ne faisais pas une intervention ici ou là, dans la plus petite radio perdue, qu'il ne m'appelle le lendemain, soit pour m'engueuler, soit pour me féliciter. C'était un homme qui avait, dans cette sorte de souterrain, enfin, il avait 50 télévisions, 40 ordinateurs, il avait une sorte de table de contrôle, une console qui lui permettait d'écouter le monde entier, car c'était, comme il faut être aujourd'hui, un patriote cosmopolite. Mais il n'y a plus la politique. Et c'était important pour lui, la politique. Je crois que c'est infiniment politique. C'est tout. La fin de la politique, ça n'a pas vraiment de sens chez Chris Marker. C'est juste une forme de la politique qui s'achève. C'est plus l'histoire qui compte que la politique. C'est un déplacement, mais c'est un déplacement qui est général. C'est-à-dire que la politique n'a pas produit les effets qu'on en avait attendus. Et donc, on se repose la question de où est-ce qu'on agit. Donc, Chris Marker, ça la repose comme tous les autres, je pense même peut-être un peu avant les autres, parce que déjà, dans le fond de l'air, il passe de la politique à l'histoire, à la grande histoire, et presque à la mythologie de la lutte, c'est-à-dire à l'imaginaire. Il a fait 10 ans d'action, et à un moment, on a besoin, on comprend que ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Et on passe à autre chose pour reconfigurer tout ça de manière généreuse, optimiste, etc. Et c'est là où le passage se fait à ce moment-là entre le paradigme du politique vers celui de l'histoire. Mais on reste dans une exigence, dans une forme de volontarisme à changer le monde, qui est toujours là, ça c'est toujours structurant. On reconfigure, disons, les outils avec lesquels on pense que ça va être... Donc... on en revient à Sans Soleil. Sans Soleil, c'est un traité de la méthode de l'émancipation personnelle. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous défaire de vos origines, de votre identité, de votre personnalité, etc., vous devenez imperceptible, donc vous êtes politique. Immédiatement. L'anonymat, c'est pas rien, c'est quelque chose qui passe entre les lignes. Se débarrasser de sa psychologie, se débarrasser de tout ce qui fait l'identité personnelle pour se noyer dans le collectif. C'est pas que se noyer dans le collectif, c'est aussi échapper à ce qui vous détermine. Si vous ne vous intéressez pas à l'origine, si vous ne vous intéressez pas à la question de l'identité, c'est-à-dire d'être le produit de ça, je suis français, je suis né là, c'est des choses qui nous traversent chaque jour, on est confronté à ça chaque jour, c'est ce qu'on entend à longueur de temps à la radio, qu'est-ce que c'est que d'être de ce pays-là, de cette nation-là, en quoi on a des devoirs vis-à-vis de ça. Quand on est un libertaire ou un anarchiste mental comme Chris Marker, c'est pas du tout intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont on va continuer de muter. Comment on va continuer à évoluer, continuer à être le produit du monde qui nous entoure, etc. Ça, ça l'intéresse. L'origine ne l'intéresse pas. Mais alors, Eric Marty, à la fin de sa vie, Chris Marker, c'est un libertaire, c'est un anarchiste, c'est quoi ? Je vois les dernières années de la vie de Chris Marker comme quelque chose de... Le dandysme trouve une forme de plaisir dans le jeu, y compris dans ses jeux sur Internet, sur les Second Life, par exemple, sur ses pseudonymes comme Stalker, qui était une adresse Internet, comme tous ces jeux avec les femmes, beaucoup, je pense, que c'est une chose qui ne serait c'est pas... C'est un grand séducteur, Chris Marker, c'est un homme qui a eu beaucoup d'aventures amoureuses. Mais comment on le sait, ça comment on le sait par des potins, par des rumeurs. Mais bon, c'est un... Donc, il plaisait beaucoup. Voilà, il plaisait beaucoup. C'est un... Donc, c'est aussi... Je crois que ça appartient aussi au rôle du dandy, que de séduire, et je comprends qu'il ait réussi à séduire. Ce que je reproche peut-être à certaines personnes séduites par Chris Marker, c'est d'être au fond séduites, non pas par Chris Marker, mais par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui leur plaît chez Chris Marker, c'est une espèce de petit mythe bien pensant, du gauchisme le plus borné, le plus stéréotypé. Mais il n'est pas bien pensant du tout, Chris du Marker, tout, parce que tout, le fond de l'air absolument, rouge, il n'est pas du tout bien pensant. Mais quand on lit beaucoup de textes sur Chris Marker, on est un peu, disons, consterné par les pensifs que sont aujourd'hui, justement, l'énergie révolutionnaire qui a pu être celle de Chris Marker. Et je crois que le caractère tourbillonnant de l'art de Chris Marker, justement, nous éloigne des fétiches et des pensifs. Quand on est voyageur, comme il a été voyageur, c'est-à-dire qu'effectivement, on reçoit des cartes postales de Chris Marker. Tiens, il y a un mois, il était en Sibérie. Tiens, il y a un mois, il était au Japon. Un coup de fil, et puis on a un rendez-vous quelque part dans Paris. Et puis voilà, on n'en sait pas plus. Pour moi, c'est très clair, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas envie qu'on l'attache quelque part. La vie réelle, évidemment, Chris Marker a vécu. Je veux dire, il a un vrai nom, il paye des impôts, c'est quelqu'un qui était toujours dans la précarité. La vie réelle de Chris Marker, je crois qu'elle était possible qu'à condition d'une légende. Il y a un Chris Marker par génération. C'est-à-dire ceux qui ont connu le premier Chris Marker ont imaginé quelque chose, ceux qui l'ont connu pendant la période politique ont imaginé un autre Chris Marker, et moi qui viens... Après, disons, les années 80 qui m'intéressent plus, je me heurte un peu au Chris Marker des années 70. Voilà. Donc on a tous, je pense, vous allez se sentir avec les personnes que vous allez rencontrer. C'est-à-dire qu'on, ils vont pas vous parler de la même personne, peut-être. Mais c'est génial. C'était Chris Marker, avec Arnaud Lambert, Éric Marty, Régis Debré, Claude Lanzmann, Bruno Muel, Raymond Bellour, Édouard Vintrop. Merci à la Cinémathèque française. Archivina Françoise Matty, prise de son Alain Joubert, Pierre Caumont et Olivier Leroux. Mixage Julien Doumac, attaché de production Laurence Genepin, une émission de Virginie Bloch-Lenné et Christine Digère. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er décembre 2012. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.